histoire particulière. Issu d'une famille de fibres minérales présentes dans les roches, il a été très utilisé pendant plus de 130 ans, car considéré comme un matériau miracle et peu cher. La France en consommait jusqu'à 150 000 tonnes par an entre 1973 et 1975, selon l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, l'INRS. Vous avez deviné, je parle de l'amiante. Son caractère cancérogène a été établi dès les années 50, mais il n'a été interdit en France qu'en 1997. Les fibres d'amiante sont invisibles dans les poussières de l'atmosphère, rappelle l'INRS. Inhalées, elles peuvent provoquer des maladies du système respiratoire et de nombreux cancers. Deuxième cause de maladies professionnelles, l'amiante est responsable chaque année de 3000 à 4000 affections reconnues comme liées au travail. Autre époque, autre matériau miracle, aujourd'hui, Marie Chartron et Laurent Polleret nous ramènent il y a environ 100 ans aux États-Unis dans les ateliers de peinture de cadrans de montres où les ouvrières faisaient un travail absolument lumineux. Sur une photo prise le 4 juin 1928 à Newark, dans le New Jersey, aujourd'hui conservée aux Archives nationales de Chicago, cinq femmes sur leurs 31, coiffées de chapeaux cloches, posent en demi-cercle sous les flashs des reporters. Quinta McDonald, Edna Huseman, Albina LaRice, Catherine Schaub et Grace Fryer donnent ce jour-là, selon les termes du journal Star Eagle, l'image d'une souriante sororité. Pour reconstituer leur histoire, celle d'une décennie de lutte, il faut se replonger dans l'histoire ouvrière des États-Unis, dans celle des sciences et dans l'imaginaire. Radium Girls, Marie Chartron, Laurent Polleret, épisode 1, des femmes lumineuses. May Kimberly Canfield, Sarah Carlow, My Fair. Mais avant de traverser l'Atlantique, nous retournons aux sources du radium en foulant le sol parisien dans les pas de Marie Curie. Alors ici au musée Curie, où on voit tous ces objets et aussi l'ancien laboratoire de Marie Curie, son bureau personnel, d'une certaine manière, on est dans le berceau du radium et on a un peu de mal à se représenter ce que c'est que cet élément. Parce qu'on peut lire par exemple que pendant la Première Guerre mondiale, les Américains ont utilisé 30 grammes de radium. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 190 grammes. Qu'est-ce que c'est que cet élément et quels sont les ordres de grandeur, Renaud Huyn ? L'élément radium est présent à l'état de trace dans tous les minerais d'uranium, puisque les scientifiques vous diraient que c'est un petit-fils de l'uranium qui est issu de la désintégration de l'uranium en d'autres éléments, qu'on appelle les éléments fils d'ailleurs. Le radium est le petit-fils de l'uranium qui lui-même a comme enfant le radon qui va se transformer en polonium, etc. Donc partout où vous trouvez des minerais d'uranium, il y a un petit peu de radium en quantité infinitésimale. Pour le purifier, ça a été un travail colossal. Marie Curie a dû s'associer à des industriels pour pouvoir produire des sels de radium qu'on purifiait de plus en plus. Le radium s'utilise la plupart du temps sous forme de sels, de cristaux, de sulfate, de radium ou de chlorure de radium. Ça ressemble ni plus ni moins qu'à du sel de cuisine. Alors on n'a pas réussi à créer la phosphorescence naturelle qui émanait justement de cette ionisation. Et j'aurais bien aimé moi-même voir du radium, mais c'est strictement interdit depuis les années 1960. Et il est décrit dans la littérature plutôt par les effets qu'il produit que par son aspect. Et lorsqu'on regarde les définitions officielles, Larousse, Wikipédia, on nous dit que le radium est un métal blanc qui noircit très vite au contact de l'air. Mais finalement, il y a très peu de personnes qui ont réellement vu du radium autrement que sous forme de cristaux. L'image iconique de l'histoire du radium, c'est cette publicité pour la marque de cosmétiques Toradia. Et on voit une jeune femme éclairé du dessous, c'est presque un spectre. Et c'est l'éclat du radium qui la rend plus belle et éternellement jeune. Oui, on est dans le pur marketing des années 30, c'est-à-dire qu'effectivement, cette femme, en utilisant ses produits de beauté à base de thorium et de radium, est censée avoir un visage rayonnant. Ceci étant, les quantités de radium qui étaient mises en œuvre dans cette poudre étaient complètement insignifiante, et tant mieux d'ailleurs pour les utilisateurs, parce que ça aurait pu provoquer des problèmes de santé. Mais c'est vrai qu'il y avait cet enthousiasme autour des rayons comme ça, qu'on utilisait au départ pour traiter des maladies dermatologiques, à soigner des lupus, des cancers cutanés avec du radium. Donc l'appliquer sur la peau était a priori comme ça une manière d'entretenir sa beauté, sa santé. Et puis on avait un argument supplémentaire qui était de dire que cette formule avait été mise au point par le docteur Alfred Curie, qui n'avait pas de lien familial avec Pierre et Marie Curie, mais c'était un homonyme et ce nom évoquait la radioactivité qui, à l'époque, avait bonne presse. Contrairement à aujourd'hui, où on aurait du mal à faire fonctionner une marque qui évoque de près ou de loin la radioactivité. Camera. And so, out of the darkness of the past comes a white light of hope for today. Radium, the most precious substance in the world. Centuries from now, it will still shine upon some future civilization, saving through the ages countless thousands of human lives. Alexia Blin, vous êtes docteur en histoire américaine à Paris 3. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation économique et industrielle des États-Unis dans les années 1910, au moment où cette histoire des Radium Girls commence? Alors, les années 1910, donc les années de la Première Guerre mondiale, c'est des années de grands changements économiques aux États-Unis. Il y a un bouleversement qui s'amorce avec la deuxième révolution industrielle à la fin du 19e siècle et qui s'accélère vraiment au moment de la Première Guerre mondiale. C'est le moment où les États-Unis deviennent une grande puissance industrielle. Avec les commandes de guerre, les industries prennent vraiment de l'ampleur, et notamment dans les régions où se situe l'histoire de ces Radium Girls, puisque le New Jersey, qui est donc la première usine où il y a un conflit à propos du radium, c'est un état particulièrement important au niveau des innovations technologiques à la fin du 19e siècle. C'est un endroit où la production de l'acier a été particulièrement développée, donc il y a des grandes entreprises industrielles dans cette région. Et aussi au niveau des entreprises, puisque c'est un État qui est très favorable à l'organisation des entreprises et notamment qui permet des manipulations financières en termes de fusion d'entreprises, par exemple, qui fait que les industriels sont très prompts à venir s'installer dans le New Jersey. Par exemple, Rockefeller, avec la Standard Oil, déménage à la fin du 19e siècle de l'Ohio vers le New Jersey parce que c'est plus favorable d'y être. Le Midwest, où se déroule l'autre partie de l'histoire, est aussi un grand état industriel, avec d'autres secteurs de l'industrie, mais la production de l'acier aussi, également les productions automobiles. Et donc c'est dans les années 1910 des états qui ont déjà une histoire industrielle de plusieurs décennies, mais qui se développent vraiment, ce sont vraiment les deux centres, le Midwest et la côte Est, de l'industrie du pays. Recherchons plusieurs filles, 18 ans ou plus, pour travaux de peinture de précision. Travail propre et sain, en atelier, environnement agréable. Kate Moore, vous êtes écrivaine et en 2016, vous avez publié un livre retraçant l'histoire des Radium Girls, ces ouvrières américaines qui peignaient des cadrans de montres à la peinture luminescente. Comment avez-vous découvert cette histoire, puisqu'elle est relativement inconnue ? J'ai découvert les Radium Girls lorsque j'ai dirigé une production théâtrale qui racontait leur histoire. Je voulais de l'authenticité dans mon spectacle parce que je savais que la pièce s'inspirait de faits réels. Alors j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai découvert qu'il n'existait aucun livre sur les ouvrières elles-mêmes, aucun texte qui raconte cette histoire de leur point de vue. Je me suis dit qu'elles méritaient un livre qui les célèbre, qui rend hommage à leur incroyable combat pour la justice, leur force et leur dignité, leur courage et leur sacrifice. Et j'ai décidé que si personne d'autre ne s'y était attelé, j'allais le faire pour elle. Et dans ce livre, The Radium Girls, vous ouvrez le récit sur un tableau. Le 1er février 1917, une jeune ouvrière se rend au travail dans la ville de Newark, à l'ouest de New York. Oui, j'ai choisi d'ouvrir le récit en m'attachant à l'histoire de Catherine Shaw, qui n'avait que 14 ans quand elle a commencé à peindre des cadrans de montres et d'horloges et des cadrans aéronautiques, avec une peinture radioactive luminescente à base de radium. Catherine était une jeune fille très vive, elle avait beaucoup d'amis, elle était très sociable, elle aimait jouer du piano, une adolescente ordinaire. Elle se disait qu'elle avait eu de la chance de décrocher cet emploi, car la peinture de cadrans payait bien. Les filles travaillaient avec cette substance tellement chic et prestigieuse, appelée radium, qui faisait faisait l'objet d'un véritable engouement dans le monde entier. Catherine s'estimait donc très chanceuse, alors même qu'on lui apprenait que la compagnie lui disait défiler son pinceau entre ses lèvres pour faire une pointe fine, ce qu'on lui a enseigné dès le premier jour. Toutes les Radium Girls peignaient leurs cadrans de la sorte, donc elles ingéraient cette peinture radioactive en effilant leur pinceau entre leurs lèvres. Alors, quelle a été la première image qu'elle ait vue en entrant dans cet atelier, ce studio de la United States Radium Corporation? En pénétrant dans l'atelier, elle a découvert des ouvrières en randonnion qui peignaient des cadrans à toute vitesse, dans leurs habits tous les jours. Les filles devaient travailler dur. Certaines d'entre elles, les meilleures, arrivaient à peindre plus de 250 cadrans par jour. Cela vous donne une idée des cadences de travail. Et la méthode la plus efficace pour peindre était d'effiler le pinceau avec la bouche. Quand Catherine est entrée dans l'atelier, elle a vu ces femmes répéter ce geste à l'infini, porter le pinceau à la bouche, le tremper dans la peinture, puis recommencer encore et encore. C'est le spectacle qu'elle a découvert, une scène de labeur frappante, d'autant plus que les filles elles-mêmes brillaient à cause du matériau luminescent qu'elles travaillaient. Chaque fille préparait sa propre peinture, chacune disposée d'une coupelle en porcelaine où elle mélangeait une poudre de sel de radium avec de l'eau et un adhésif. Et bien sûr, comme elle travaillait avec de la poudre de radium, cette poussière scintillante se déposait sur elle, sur leurs cheveux, leurs épaules. Elle pénétrait sous leurs robes, leurs sous-vêtements, dans leur peau. Les Radium Girls avaient un surnom. On les appelait les revenantes parce que quand elles rentraient à pied du travail, dans les rues sombres de l'Amérique d'alors, elles luisaient comme des esprits. Elles irradiaient, telles des fantômes, à cause de cette poussière de radium phosphorescente qui les enveloppait. Ils m'ont demandé si je voulais peindre des cadrans. J'ai dit que j'aimerais bien essayer. Mon boulot, c'est de peindre des chiffres sur des montres pour qu'ils brillent dans le noir. Il y avait comme une fumée fine dans l'air. Les mains, les bras, la nuque, les vêtements, les sous-vêtements et même les corsets des ouvrières étaient lumineux. On luisait comme des cadrans dans le noir. On éteignait la lumière, puis on se regardait dans le miroir et cela nous faisait beaucoup rire. On luisait dans le noir. C'était juste pour rire. Lip Deep Paint. Affiner, tremper, peindre. Le radium, lorsqu'il est suffisamment purifié, émet des rayonnements qui vont avoir un effet sur le gaz qui est autour de lui. Donc ça crée une sorte de ionisation, ça crée des charges positives et négatives, et ça crée une sorte de lumière un peu phosphorescente. Mais le cas des aiguilles, des peintures luminescentes, c'est un petit peu différent, c'est que le radium qui émet ces petites particules alpha va exciter le sulfure de zinc et créer cette phosphorescence. Donc c'est pas le radium lui-même qui émet cette lumière. C'est une lueur qui est décrite aussi par Marie Curie. Lorsqu'elle écrit un livre sur Pierre Curie, elle décrit ces heures extraordinaires où ils allaient la nuit voir les lueurs dans leurs tubes phosphorescents. C'est vrai que ça a entretenu une sorte d'enthousiasme, de questionnement autour de cette radioactivité. Ça a suscité pas mal de fantasmes et puis d'intérêt aussi, je dirais presque créatif. Je pense à la littérature, à des courants de peinture aussi où finalement la découverte de ces rayonnements va inspirer des artistes. Par exemple, dans la littérature, Aragon parle des yeux d'Elsa et compare la lueur des yeux de sa femme à celle du radium. Ou encore, dans des courants de peinture, on a dans le courant des futuristes, les rayonistes qui essayent de représenter les rayons. Ils ont surtout travaillé sur les rayons X, mais c'était cette influence que la science a toujours eue sur les disciplines artistiques qu'on retrouve là assez fortement avec le radium. À la fois dans les disciplines artistiques, de littérature, de peinture, etc., mais aussi dans le graphisme. Il y avait beaucoup de logos avec le radium qui rayonne, toute une recherche autour de cet élément finalement assez graphique. Ces jeunes femmes sont dans l'atelier, elles peignent ces petits cadrans en papier avec de la peinture luminescente. Et puis ensuite, il y a une deuxième phase de contrôle. On emmène les cadrans dans une pièce noire. Chaque ouvrière devait apporter sur un plateau tous les cadrans qu'elle avait peints pour qu'ils soient inspectés dans la chambre noire. où une lumière noire ou violette permettait de voir s'il brillait bien. Et dans l'obscurité, on ne distinguait que les chiffres et les aiguilles des cadrans, les seuls qui brillaient, hormis l'ouvrière elle-même, qui était couverte de cette poussière. On vérifiait si la peinture avait été correctement appliquée, ni trop, ni pas assez, si chaque chiffre était clairement visible. Et les filles étaient réprimandées si elles gaspillaient le matériel, parce que le radium était la substance la plus chère au monde. Un seul gramme coûtait l'équivalent de 2,2 millions de dollars d'aujourd'hui. Donc les filles étaient rappelées à l'ordre si elles gâchaient le matériel, si elles en utilisaient trop, si elles étaient à court. Elles devaient même récupérer la poussière qu'elles avaient sous les ongles en les brossant régulièrement. Parce que la poussière de radium était hors de prix, il ne fallait pas la gaspiller. Et bien sûr, lors de ces inspections dans la chambre noire, si une fille se faisait rappeler à l'ordre trop souvent, on la licenciait pour incompétence. Et chaque plateau de cadran était inspecté suivant ce rituel. La chambre noire était donc un lieu solennel quand les vérificateurs s'y trouvaient pour contrôler leur travail. Mais c'était aussi pour les filles un espace où elles pouvaient s'amuser, jouer avec la peinture et se voir briller dans le noir. Imaginez la scène, l'effet visuel. Vous êtes dans une pièce, plongée dans l'obscurité, et vous ne voyez que cette poussière qui scintille. Et donc, les filles, bon, pas particulièrement dans l'usine où travaillait Catherine Schaub, car ils étaient très stricts dans le New Jersey. Mais dans l'Illinois, après la guerre, on s'inquiétait moins de ce que faisaient les filles avec la peinture. Et les ouvrières de l'Illinois jouaient avec. Elles se dessinaient sur le visage une moustache, des sourcils grotesques. Elles peignaient leurs ongles ou les boutons de leur robe, une boucle de ceinture. Elles jouaient avec la peinture et s'amusaient à se faire rire dans la chambre noire. C'était un lieu de détente. Et bien sûr, si elles s'étaient peint les ongles ou les dents au travail, comme l'a fait une femme un jour, elles gardaient ce maquillage quand elles sortaient le soir, parce qu'elles adoraient cette aura rutilante que leur donnait le radium. Catherine Wolfe Donahue, une célèbre peintre de cadrans de l'Illinois, a écrit que les Radium Girls portaient leurs plus belles robes à l'usine parce qu'elles aimaient aller danser après le travail dans les speakeasy, les bars clandestins, c'était les années folles, ou dans les cabarets pendant la guerre. Et sur la piste de danse, lumière baissée, les Radium Girls irradiaient, chatoyaient dans leurs atours phosphorescents. Un peu comme aujourd'hui, si vous assistez à un concert, vous verrez des gens avec des tubes de néon en plastique. C'est la même idée. Parce que les Radium Girls se distinguaient des autres. On ne voyait qu'elles. Vous les imaginez en train de danser le Charleston dans leurs jupes scintillantes, magnifiées par la luminance du radium. J'avais l'espoir de travailler là-bas. C'était le boulot d'élite par excellence pour une fille pauvre de la classe ouvrière. Certaines filles venaient à l'usine avec leurs meilleurs vêtements pour être lumineuses quand elles allaient à des fêtes le soir. Nous étions une bande de filles vives et joyeuses, et nous pensions que cela ne s'arrêterait jamais. Pour ces jeunes ouvrières, c'est peut-être aussi un moyen de participer à ce conflit dans lequel les États-Unis s'engagent. À ce moment-là, Kate Moore. Ce qui motivait les Radium Girls à peindre des cadrans, c'était en grande partie leur sens du devoir patriotique. Catherine a affirmé que les filles voulaient participer à l'effort de guerre et aider leur pays. À la fin de la Première Guerre, un soldat américain sur six possédait une montre au radium fournie par le gouvernement. Et toutes ces montres étaient peintes par les Radium Girls. Pour nombre d'entre elles étaient très jeunes, l'âge où l'on tombe amoureuse. J'ai découvert une jolie anecdote au cours de mes recherches. Certaines des filles glissaient une petite note manuscrite avec les montres qu'elles avaient peintes, parce que cette montre serait envoyée à un soldat américain en France, et un soldat lirait que son cadran avait été peint par Grace ou par Catherine ou Irène. Et il arrivait que les filles reçoivent en retour une lettre d'un soldat parti au front. Grace Fryer était une figure majeure parmi les Radium Girls. Elle était entrée à l'atelier à 18 ans et elle avait deux frères qui étaient partis se battre en France pendant la guerre. Et Grace, qui avait déjà un travail presque aussi rémunérateur que la peinture de cadran, c'était une jeune femme extrêmement intelligente. Grace a quitté cet emploi pour peindre des cadrans. Grace Fryer était donc une figure importante dans l'atelier. Et elle n'était pas la seule à vouloir s'assurer qu'elle ne risquait rien à se mettre de la peinture dans la bouche. Mais toutes les filles s'étaient entendues dire que c'était sans danger. Mais Grace s'est souvenue, elle a décrit la scène bien plus tard, qu'un après-midi de 1918, elle peignait ses cadrans, comme d'habitude, en effilant le pinceau avec ses lèvres. Et le directeur de la firme, Von Soschowski, qui s'était formé auprès d'écuries en France pour tout savoir sur le radium, il l'a vu porter le pinceau à sa bouche et l'a mise en garde. « Ne faites pas ça, vous allez tomber malade. » Ce fut la première fois que Grace a commencé à soupçonner quelque chose. Et cette remarque a pris toute son importance par la suite, car les ouvrières n'ont pas tardé à comprendre qu'il était dangereux de sucer leurs pinceaux. Et en effet, elles sont tombées malades. Je nettoyais le pinceau dans l'eau parce que je ne pouvais pas supporter cette matière granuleuse dans ma bouche. Ça n'avait pas un goût bizarre, ça n'avait aucun goût. J'arrivais à peine à peindre deux chiffres avant que le pinceau ne sèche. Je me rappelle que je mâchais la peinture, c'était granuleux. J'en avais entre les dents, je m'en souviens précisément. Lip, dip, paint. Affiner, tremper, peindre. Et puis on nous a distribué des petits chiffons. On était supposé essuyer les pinceaux dessus au lieu de les mettre à la bouche. Mais au bout d'un mois, on nous les a enlevés. On n'avait plus le droit d'utiliser les chiffons. Ça gaspillait trop de radium. On devait travailler. On déjeunait sur le plan de travail, à côté de la peinture lumineuse et des pinceaux. On se dépêchait le plus possible. Ça nous permettait de gagner plus d'argent. On était très heureuses de faire ce travail. Souvent, ces femmes sont payées à la pièce. Et je crois que c'est le cas de ces Radium Girls, qui est une manière d'augmenter la productivité horaire des travailleurs et des travailleuses, sachant qu'on est dans une période de grande préoccupation pour cette question de la productivité. C'est le moment du taylorisme, l'introduction du taylorisme, donc des méthodes scientifiques de production du travail. Ça commence en 1914. C'est Ford en 1914. Payer le travail à la pièce, c'est une manière de faire augmenter cette productivité horaire des femmes. Elles recevaient à l'époque 1,50 cent par pièce. Oui, dans les archives, on trouve mention de sommes différentes. Ça dépendait aussi de la taille de la montre. Certaines étaient très petites, d'autres très grosses. Je crois que ce qu'elles touchaient à la pièce variait aussi en fonction de la taille du cadran à peindre. Quand les filles débutaient, elles commençaient avec les grandes pièces, plus faciles à peindre, puis elles gravissaient les échelons et pouvaient peindre les plus petits cadrans. Mais ce n'était pas anodin qu'elles aient été payées à la tâche. Car bien sûr, il était dans leur intérêt d'en faire le plus possible. Et la meilleure méthode pour cela était celle qu'on leur avait enseignée, effiler le pinceau avec les lèvres. Elles auraient pu ne pas le faire, malgré les consignes de l'entreprise, mais dans ce cas, elles ne pouvaient pas tenir la cadence nécessaire. Soit elles ne gagnaient pas assez d'argent, soit elles étaient renvoyées pour manque de productivité. Mais les meilleures ouvrières gagnaient l'équivalent d'environ 40 000 dollars par an pour les plus expérimentées, ce qui représente une somme considérable. Ces filles faisaient partie des 5 % des femmes salariées les mieux payées du pays. Elles gagnaient beaucoup d'argent, parfois plus que leur mari ou leur père, à une époque où les femmes n'avaient pas encore le droit de vote en Amérique. C'était un métier très lucratif pour ces filles. Comment en êtes-vous venu à vous pencher sur le destin des Radium Girls, Jean-Marc Cosset, vous qui êtes radiothérapeute et écrivain? Au départ, c'était par le biais que j'avais un cours à faire pour mes étudiants sur les effets carcinogènes des rayonnements ionisants. Donc j'étais remonté au tout début, parce que c'est dès les premières années d'utilisation des rayons X, en particulier sur les, bon, où les pionniers se sont énormément irradiés les mains. Ils ont eu des radiodermites, c'est-à-dire que bon, bah, beaucoup qui ont perdu leurs doigts. Mais sur ces radiodermites, sur ces lésions de brûlure qui cicatrisent n'importe comment, il y a déjà eu des cancers radio-induits sur les doigts. Donc à partir des premières... C'est pour ça, je l'ai mis aussi dans le bouquin, c'est qu'en fait, dès les premières années du siècle, donc parce qu'on a commencé à utiliser les rayons X juste après la découverte de Röntgen, avant même la découverte du radium, donc en 1898, donc en fait, on savait que ça pouvait donner des cancers. Et donc, moi, mon cours, c'était de faire un petit peu l'historique de tout ça. Et les radium girls arrivaient dans les premières... dans les premiers cas, effectivement, de cancer lié au rayon qui avait été manifestement prouvé. L'atelier initial, qui est situé à Newark, déménage rapidement puisque l'industrie explose et qu'on produit de plus en plus de cadrans, pour s'installer à Orange, qui est une petite ville à proximité de Newark. Et nous retrouvons là toutes nos protagonistes qui, petit à petit, commence à avoir des symptômes un peu inquiétants. Kate Moore. Yeah, so there were hundreds of women who worked in the studio. Oui, elles étaient des centaines de femmes à travailler dans ces ateliers. Et du fait du boom économique provoqué par la guerre, l'entreprise recrutait à tour de bras. Et comme vous l'avez souligné, elle a déménagé son site de production parce que l'atelier où Catherine Schaub avait débuté était devenu trop petit pour répondre à la demande. Ils ont donc aménagé un atelier spécialement conçu dans un bâtiment en briques avec d'immenses fenêtres où des centaines de femmes ont travaillé pendant la guerre. Et parmi ces femmes se trouvait Catherine Schaub, qui est ensuite devenue peintre de cadrans, pas seulement chargée du contrôle. Et il y avait aussi Grace Fryer et Edna Huseman, qui avait commencé à 16 ans. Edna aimait la musique, les fleurs et les chiens. Elle avait un adorable petit terrier du nom de Fluffy, dont elle était folle. Et il y avait aussi les sœurs Madja, Quinta, Albina et Amelia, dite Molly. Elles venaient d'une famille italienne. Bon nombre des Radium Girls étaient des immigrantes, des filles ou petites filles d'immigrants, désireuses d'aider financièrement leur famille et de trouver un travail lucratif. Et il y avait un esprit de camaraderie, d'entraide, vous savez. Les femmes vantaient les mérites de leur situation à leurs sœurs, leurs cousines, leurs amies. Catherine Schaub a ainsi fait entrer sa cousine Irène Rudolph à l'atelier. Et les sœurs Madja se sont recrutées entre elles. Elles n'ont pas été embauchées en même temps. L'une d'elles a mis un pied dans la porte et a encouragé les autres. Rejoignez l'équipe, c'est formidable de travailler ici. Mais bien sûr, ensuite, les filles ont commencé à tomber malades. Et l'intoxication au radium est un processus incroyablement insidieux qui met des années à se manifester. Donc ce n'est que 5 ou 6 ans après avoir commencé à peindre des cadrans pendant la guerre qu'elles ont présenté les premiers symptômes. Cela commençait assez innocemment par un mal de dents ou un membre douloureux. Et les femmes allaient chez le dentiste. Elles constataient qu'ils ne pouvaient rien pour elles, qu'elles perdaient leurs dents et que cette douleur au bras qu'elles avaient mise sur le compte de l'arthrite ou des rhumatismes et pour laquelle le médecin leur avait juste prescrit de l'aspirine en les renvoyant chez elles, elles découvrent que l'os dans ce bras ou cette jambe ou ce dos, cet os commence à se fracturer spontanément. On les voit là sur une gravure d'époque que vous avez mise dans votre ouvrage sur l'histoire du radium. Est-ce que vous pouvez la décrire ? Ah là, c'est une image qui a été reprise à plusieurs reprises et qui a été reprise dans plusieurs livres. On les voit justement, et là on a la preuve avec un dessin de l'époque, la façon dont elles affinaient leurs pinceaux, donc avec les lèvres, comme on faisait avec l'aquarelle à la maternelle, sauf que fort heureusement, notre peinture à l'aquarelle n'était pas radioactive. Et effectivement, en face d'elles ou derrière elles, on voit des squelettes en train de leur proposer les petites coupelles avec la peinture au radium. Et évidemment, elles sont penchées sur leur travail et elles sont censées ne pas voir les squelettes représentant bien évidemment la mort leur proposer ces petites coupelles. Effectivement, c'est probablement l'un des dessins les plus connus sur les Radium Girls. C'était les Radium Girls, épisode 1, des femmes lumineuses, avec Kate Moore, Alexia Blin, Renaud Huyne et Jean-Marc Cosset. Un documentaire de Marie Chartron et Laurent Polleré. La suite de l'histoire des Radium Girls, ce sera demain à 13h30 et à 14h, nous retrouvons Antoine Guillot pour notre séance cinéma.